34, activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le texte deux fois. Quel beau yeux. Quelle belle main. Je ne vous ennuie pas. Si vous m'ennuyez. Vous me trouvez bête. Oh oui, je vous trouve stupide. Ah bon, merci beaucoup. Quels beaux yeux. Quelle belle main. Je ne vous ennuie pas. Si vous m'ennuyez. Vous me trouvez bête. Oh oui, je vous trouve stupide. Ah bon, merci beaucoup.